franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'enquête sur la mort de Caroline Dickinson. Le 18 juillet 1996, cette adolescente anglaise de 13 ans est retrouvée morte dans une auberge de jeunesse bretonne. Elle a été violée et tuée pendant la nuit. Un événement qui suscite une vive émotion de part et d'autre de la Manche. Démarre alors l'affaire Dickinson. Pendant 5 ans, les gendarmes et les juges d'instruction butent devant l'obstacle. Impossible de mettre un nom sur le coupable. Ils ont pourtant une empreinte ADN. Cette traque qui s'étire dans le temps et se déroule sur plusieurs continents illustre cette révolution qu'est l'introduction de la trace génétique dans les investigations criminelles. Elle montre aussi le rôle des médias dans ce genre d'affaires et les différences entre les justices françaises et anglo-saxonnes. À bien des égards, ce dossier est emblématique. Il montre que derrière la justice, ses lois, ses procédures et ses méthodes travaillent des hommes et que souvent, malgré les progrès de la science, la résolution de ces drames dépend aussi de la volonté et du talent des enquêteurs et parfois, d'un coup de pouce du destin. En seconde partie d'émission, nous recevrons le juge Renaud Van Ruynbeck, magistrat au pôle financier du tribunal de Paris, figure devenue familière pour les Français. Il a mené l'instruction de plusieurs affaires politico-financières comme l'affaire Urba, celle des frégates de Taïwan ou Clearstream. En 1997, il prend en charge le dossier Dickinson. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Sandrine Laurent. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Pleine Fougère, Bretagne, été 1996. Dans cette bourgade de 1800 habitants située à une dizaine de kilomètres du Mont-Saint-Michel, un groupe d'une quarantaine de collégiens anglais âgés de 11 à 14 ans est arrivé le 14 juillet. Il s'agit pour la plupart d'élèves du collège de Launceston dans la région des Cornouailles. C'est leur premier voyage loin de l'Angleterre et de leurs parents. Pour la troisième année consécutive, cet établissement organise un séjour à Pleine Fougère et comme les années précédentes, les ados invités logent dans l'auberge de jeunesse du village, une grande bâtisse érigée au bout d'une cour, à la sortie du bourg, un peu à l'écart du centre. Comme tous les voyages linguistiques pour des gamins de cet âge, se mêle le plaisir de découvrir une autre culture et le sentiment de liberté. Dans ces moments se forgent aussi les nouvelles amitiés. C'est le cas de Caroline Dickinson, 13 ans et demi, qui dès le premier jour se rapproche de quatre camarades, Anne, Jenny, Melissa et Camilla. Alors, le premier soir, Caroline demande si elle peut dormir avec ses amis. Bien, un matelas est installé, à même le sol, entre les deux lits superposés de la chambre numéro 4, où elles dorment à 5. Le séjour se poursuit, l'été est chaud, balade sur les plages de la Côte d'Émeraude, visite des remparts de Saint-Malo. On se promène dans Pleine Fougère, on y rencontre d'autres adolescents originaires du coin ou simplement ici pour les vacances. Bref, le temps file tranquillement, chronique des jours heureux. Le mercredi 17 juillet, avant-dernière soirée du séjour, tout le monde regagne sa chambre après le dîner vers 22h. L'ambiance est animée dans les couloirs de l'auberge et puis les adolescents finissent par se coucher. Dans la chambre numéro 4, l'agitation continue. Les cinq jeunes filles rigolent, parlent fort, entonnent quelques chansons. Leur accompagnatrice, Jackie Thorpe, intervient à plusieurs reprises pour les calmer. Finalement, vers 1h du matin, le silence s'installe dans l'auberge de Pleine Fougère. Le lendemain, 18 juillet, à 8h du matin, les jeunes filles de la chambre numéro 4 s'éveillent. Toutes, sauf une. Anne se tourne vers sa copine Caroline, allongée sur le matelas au milieu de la pièce. Elle ne répond pas. Tout à coup, elle regarde son visage. Ses lèvres sont bleues, elle ne respire plus. Apeurée, Anne appelle ses professeurs. Les accompagnateurs découvrent alors le corps inanimé de Caroline. Son caleçon de pyjama est roulé en boule entre ses cuisses. On remarque des taches de sang sur le matelas au niveau du bassin. Immédiatement, les accompagnateurs préviennent les autorités. Les gendarmes arrivent, ainsi qu'un médecin, ils constatent le décès de la jeune fille. On instaure immédiatement un huis clos dans l'auberge. Personne ne doit quitter les lieux. Après avoir relevé l'ensemble des indices dans la pièce, le corps de Caroline est emmené à l'hôpital pour être autopsié. Gérard Zaug, le seul juge d'instruction de la circonscription, prend en charge l'enquête. C'est lui qui annonce le lendemain les résultats de l'examen médico-légal. Le premier acte que, en qualité de juge d'instruction, j'ai fait est d'ordonner une autopsie. Cette autopsie a eu lieu hier soir et a révélé que cette jeune fille, donc âgée de 13 ans et demi, avait été violée et était morte vraisemblablement étouffée. L'enquête démarre. Les gendarmes commencent par relever les éléments matériels. Il n'y a aucune trace d'effraction sur les portes extérieures ou intérieures. C'est normal, leur explique le gérant de l'auberge. C'est le principe même des lieux, il doit être ouvert à toute heure du jour et de la nuit. Quant aux chambres, elles restent toujours ouvertes pour des raisons de sécurité. Dans la chambre numéro 4, les enquêteurs remarquent d'abord qu'il est difficile d'ouvrir la porte avec ce matelas posé à terre juste derrière, sur lequel d'ailleurs, ils découvrent un morceau de coton à hauteur de la hanche droite de Caroline. Sur la cuisse de la jeune fille, ils ont pu relever une petite trace de sperme. C'est la pièce essentielle. Ils détiennent l'empreinte génétique du criminel. Reste à inscrire un nom. La question est sur toutes les lèvres. Comment Caroline a-t-elle pu être violée et tuée en pleine nuit sans qu'aucune de ses quatre camarades n'entende quoi que ce soit ? Comment est-il possible que parmi les 60 personnes qui dormaient dans l'auberge, aucune n'ait entendu quelque chose ? Le départ du groupe d'anglais est reporté. Autre constat des enquêteurs. Le meurtrier devait connaître les lieux. Étant donné leur configuration, il fallait pouvoir se repérer dans l'auberge. Alors, inévitablement, les regards se tournent vers les habitants de Pleine-Fougère. D'ailleurs, la petite commune est rapidement assaillie par les journalistes français et anglais. Et le maire de la ville, Christian Couet, se retrouve en première ligne pour répondre aux questions. Permettez-moi d'avoir une pensée pour la famille de cette jeune fille. Je crois que c'est la première des choses. Et je suis, comme tout le monde, pressé de voir cette personne, si on peut appeler ça personne, arrêtée dans les plus brefs délais. Les interrogatoires commencent. Les gendarmes questionnent d'abord les amis de Caroline, celle qui était dans la chambre. Mélissa et Anne se sont réveillées pendant la nuit, oui. La première a entendu des bruits, des jambes qui bougent, une toux rauque. Anne aussi a entendu Caroline bouger, quelques murmures également. Mais ces bruits sont lointains, plongés au cœur d'un sommeil profond. Pour les deux filles, au bout du compte, rien d'alarmant. Une fois le silence retrouvé, elles se sont rendormies. D'autres témoignages sont relevés, celui de Jackie Thorpe, l'une des professeurs du groupe. Elle dit avoir aperçu la silhouette d'un homme aux alentours de 4 heures du matin, un homme qui sortait de l'auberge. Quelques secondes plus tard, elle a entendu le moteur d'une vieille camionnette démarrer. D'autres collégiennes aussi ont vu un homme. Leur témoignage permet d'établir un premier portrait robot. Et les gendarmes parcourent Pleine-Fougère et les environs avec ce premier élément. Les gendarmes, qui multiplient depuis hier les auditions de voisinage, disposent, semble-t-il, de l'ébauche d'un portrait robot. Il ressemblait à quoi ? C'était... Bah, c'est assez vaste. Hein. C'est un peu... il est grossier comme portrait robot. Je sais pas. C'est un homme ? Un homme. Ce portrait robot ressemble étrangement à un motard passé par l'auberge la nuit du drame. On compare son ADN, il est innocenté. Alors, les gendarmes poursuivent leur investigation. Et ils savent qu'il faut aller vite. Si c'est un rôdeur, il est peut-être déjà loin. Les enquêteurs entendent les habitants de Pleine-Fougère. Plusieurs personnes affirment avoir vu à différentes reprises un SDF à proximité de l'établissement. Il aurait un bandana rouge. Voilà une première piste. Le 20 juillet, deux jours après le drame, du côté de Sourdeval, à quelques dizaines de kilomètres de Pleine-Fougère, les gendarmes arrêtent un homme lors d'un contrôle routier. Il s'appelle Patrice Padet. Il est SDF. Le corps parsemé de tatouages, l'air débraillé, un anneau à l'oreille. Patrice Padet a aussi un casier judiciaire. Vol de voiture, cambriolage, attentat à la pudeur avec violence. Il a déjà passé 7 ans en prison. Les gendarmes lui font une prise de sang pour comparer son ADN et commencent à l'interroger. Habitué des gardes à vue, le suspect fait face. Il nie être allé à Pleine-Fougère. Pourtant, les habitants l'y ont vu. Il est passé par la pharmacie, il a acheté des cigarettes. Ce n'est pas le genre de personnage à passer inaperçu dans un village. L'interrogatoire se poursuit et, petit à petit, Patrice Padet perd le fil, se contredit, s'en mêle dans son emploi du temps. Les gendarmes sentent qu'ils tiennent peut-être quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Alors, il faut le travailler, le pousser dans ses retranchements. L'homme n'a pas ses médicaments ni son alcool, sensation de manque. La garde à vue s'éternise et arrivé à la 45e heure, il craque. En pleurs, il avoue tout. le viol, l'asphyxie, le meurtre. Il donne même quelques détails sur la couleur des cheveux de Caroline, la disposition des lieux. Les gendarmes lui font relire ses aveux, il signe. Devant le juge d'instruction Gérard Zaug, il confirme. Le 23 juillet, le juge organise une conférence de presse et annonce l'arrestation du meurtrier présumé de Caroline Dickinson. À nouveau questionné sur les autres filles de la chambre qui n'ont rien entendu, il donne une explication. On peut dire c'est que ce sont des adolescentes qui ont entre 13 et 15 ans, qui avaient des journées bien remplies dans le cadre de leurs vacances, qui doivent donc avoir un sommeil profond. Cet individu a peut-être vu ces personnes, mais je pense que ce type d'individu dans ce genre de circonstances, à partir du moment, si j'ose dire, où il a découvert sa proie, rien ne peut l'arrêter. Une fois que c'est parti, c'est malheureusement parti. L'assassinat s'est donc fait en présence des quatre jeunes filles. Tout le laisse à penser. Le juge d'instruction ajoute que des expertises génétiques devraient corroborer les aveux de cet homme dans les prochains jours. La presse n'attend pas. Et la photo de Patrice Padet fait la une des journaux en France et en Angleterre. Alors, on salue l'efficacité des autorités françaises. Il leur a fallu moins d'une semaine pour boucler cette enquête. Pourtant, rapidement, quelque chose cloche. Dans ses aveux, certaines descriptions laissent sceptique. Sur plusieurs points, les détails apportés par Patrice Padet ne correspondent pas. D'ailleurs, le vendredi 26 juillet, dans sa cellule, Padet écrit à Gérard Zaug pour revenir sur ses aveux. Quatre jours plus tard, les résultats ADN tombent. L'empreinte génétique de Patrice Padet ne correspond pas à celle retrouvée sur les lieux du crime. Le 6 août, Gérard Zaug annonce la nouvelle. Patrice Padet n'est pas le meurtrier de Caroline Dickinson. De quoi réfléchir une fois de plus sur la valeur des aveux, qu'il s'agisse de cet homme ou de tout autre suspect d'ailleurs. Interviewé, l'avocat de Padet revient sur la déposition de son client et sur la précipitation des enquêteurs. Il y a ces deux derniers feuillets qui sont un charabia verbal inimaginable, qui ne peut en aucun cas être qualifié d'aveu. Malheureusement, on a agi avec beaucoup trop de hâte parce que on a estimé avoir entre les mains le coupable idéal. Mais le problème, c'est que jamais personne n'est idéal. Patrice Padet n'était pas à pleine fougère le 18 juillet. Patrice Padet n'était pas à pleine fougère ce jour-là. Si l'ADN augmente les chances de retrouver le coupable, les enquêteurs l'apprennent vite. Il permet aussi d'innocenter les suspects. La nouvelle de l'erreur fait l'effet d'une bombe. Le juge et les gendarmes se sont-ils précipités à cause de la pression médiatique? Quoi qu'il en soit, l'enquête repart de zéro. Et elle va en Angleterre, à Launceston, pour entendre de nouveau les collégiens anglais et les amis de Caroline. Avec l'accord des parents, réalise de nouvelles analyses génétiques, notamment sur les 5 garçons du groupe. Les tabloïds des journaux anglais suivent au jour le jour les avancées de l'enquête. Et c'est d'ailleurs de ce côté-là de la Manche qu'une nouvelle piste est envisagée. Une douzaine d'adolescents a été conduit cet après-midi au commissariat de police de Launceston, la petite ville d'où était originaire Caroline Dickinson, afin d'y être interrogée par les enquêteurs britanniques en présence des 5 gendarmes français. Une enquête qui redémarre donc côté britannique sur fond de rumeurs. Selon la presse d'Outre-Manche, une autre adolescente anglaise aurait en effet été agressée 3 heures avant Caroline dans une autre auberge de jeunesse à Saint-Lunaire, à 30 kilomètres seulement de l'endroit où l'adolescente a été assassinée. Cette jeune fille n'aurait dû son salut qu'aux cris d'autres adolescents réveillés par le bruit. Une information qui, pour le moment, n'a pas été confirmée. Troublante coïncidence. L'information est rapidement confirmée. Au moment des faits, les enseignants du groupe n'avaient pas porté plainte. De retour en Angleterre, les jeunes filles qui ont vu l'homme prennent connaissance de l'histoire de Caroline. Même mode opératoire, même jour, quasiment la même heure. Elles finissent par en parler à leurs parents. Surtout, les deux jeunes filles donnent une description de l'homme. Grand, brun, les cheveux en bataille. Il avait une barbe naissante et le teint hâlé. Deux histoires similaires dans deux auberges de Bretagne. Alors on creuse. Et rapidement, on se rend compte que d'autres événements du même type ont eu lieu dans d'autres auberges bretonnes quelques semaines avant le meurtre de Caroline. Son père, John Dickinson, décide de monter au créneau. L'enquête n'a pas avancé. Il faut que les autorités françaises comprennent bien que nous ne resterons pas sans rien faire. Les bras croisés, à attendre calmement que l'enquête progresse. Nous sommes déjà en mars 1997, 9 mois après la mort de Caroline. La pression médiatique du côté anglais s'intensifie à mesure que l'enquête s'enlise. John Dickinson se plaint du manque d'informations et de dialogue avec le juge d'instruction Gérard Zorg. Ce dernier s'abrite derrière le secret de l'instruction. Entre la France et l'Angleterre, on assiste à un choc des cultures judiciaires et policières et l'affaire devient diplomatique. John Dickinson souhaite que tous les hommes de la ville soient soumis au test ADN pour être sûr. En Angleterre, cette méthode a fait ses preuves. Il saisit donc la cour d'appel de Rennes et le 14 août 1997, elle accepte sa requête. Le juge d'instruction, Gérard Zog, qui a refusé d'organiser cette campagne de test, est automatiquement dessaisi du dossier. Il est remplacé par Renaud van Ruinbeck, magistrat de la cour d'appel. Ce juge est réputé opiniâtre et volontaire. Un an après la mort de Caroline Dickinson, l'enquête change donc de patron. Et tout le monde espère que ce regard neuf permettra d'aboutir et de mettre la main sur l'assassin de Caroline Dickinson, parce que pour l'instant, et comme on dit, le meurtrier court toujours. I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you find oh? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Une brosse, il va Dijon, le côté de la joue. Après, ils la mettent dans le plastique. Et ils en font quatre comme ça, dans deux différentes, et sous scellés devant nous. À mon avis, ce sera vite fait, puis je pense qu'il y a déjà pas mal qui ont dû subir les tests, non? Ah non, j'ai pas peur du tout. J'ai rien à me reprocher. C'est normal. Évidemment, on peut pas être contre, dans la mesure où ça permettrait de faire avancer l'enquête. Quant à pratiquer des tests sur tout le monde, c'est peut-être un peu utopique. Ah non, moi je ne suis pas contre, à condition de faire une sélection. Donc c'est rien, c'est pas douloureux du tout. Tous les hommes qui n'ont rien à se reprocher doivent le faire. En ce début de mois d'octobre 1997, la quiétude du petit village de Plaine-Fougère est de nouveau bousculée. Les 170 habitants masculins de la commune, âgés de 15 à 35 ans, sont invités à se soumettre au test salivaire pour comparer leur ADN à celui du meurtrier. Un mois plus tard, ce sera au tour des hommes de 36 à 60 ans. Cette opération, une première en France, soulève quelques réactions des associations de défense des libertés qui appellent au boycott. Alors, le juge Van Ruinbeck s'explique et insiste sur le fait que ce test repose sur le volontariat. Cela dit, presque tous les hommes de la ville viennent spontanément. Aucun ADN ne correspond. Mais c'est la première étape d'une nouvelle stratégie opérée par le juge Van Ruynbeck, explorer une à une toutes les possibilités. Les moyens financiers et humains mis à la disposition du juge sont augmentés et une équipe spéciale, bientôt appelée Cellule Dickinson, est créée. D'abord, le magistrat constate que toutes les auditions réalisées en Angleterre auprès des collégiens n'ont pas été traduites. Manque de temps et de moyens. Or, les enquêteurs tombent sur un témoignage qui attire leur attention. Celui de Laura Davey, une jeune collégienne qui dit avoir vu, quelques jours avant le drame, un rôdeur autour de l'auberge. Ce témoignage se rapproche de celui d'une autre collégienne qui, la nuit du meurtre, a vu un homme dans les escaliers. Mais la nouvelle équipe d'enquêteurs n'est pas au bout de ses surprises. Un an et demi après les faits, Nicolas Ward, l'un des accompagnateurs du groupe, affirme que lui aussi, il a vu un homme dans les couloirs de l'auberge cette nuit-là. Mais il n'a pas fait le lien. Puis il s'est tu. Pris de remords, il décrit l'homme. Il a le teint hâlé, les cheveux bruns en bataille et les sourcils épais. Une description qui correspond trait pour trait à celle qu'avaient faite les deux collégiennes. On dresse alors un portrait robot. Manifestement, il s'agit du même homme. Les gendarmes montrent le portrait aux deux jeunes filles de l'auberge de Saint-Ludaire, celles qui ont fait fuir l'agresseur de leur copine. Le même homme encore. La nouvelle fait la une de tous les journaux. C'est le témoignage d'une jeune voisine de chambre de Caroline Dickinson qui a permis aux enquêteurs français de montrer au père de la jeune Anglaise assassinée le portrait robot d'un suspect. L'adolescente avait remarqué un type bizarre autour du groupe scolaire, et cela deux fois le jour avant le meurtre. L'homme, décrit de manière assez précise, semble bien être celui qui faisait les 100 pas, avec une démarche particulière en regardant les fenêtres de l'auberge de jeunesse. Ce suspect numéro 1, désormais, avait déjà été remarqué par un autre témoin, un accompagnateur enseignant britannique. L'avocat de la famille Dickinson, dans un entretien à l'agence France Presse, se félicite du travail colossal accompli par la nouvelle équipe. Le portrait robot du suspect sera remis à la presse vendredi. Incroyable, un an et demi après la mort de Caroline, l'enquête avance. Enfin, les pièces du puzzle s'assemblent. La piste du rôdeur des auberges de jeunesse se renforce et le profil du suspect s'affine. En quelques semaines, l'équipe recense toutes les agressions sexuelles commises ces dernières années dans ce genre d'établissement. Et on trouve 223 dossiers intéressants, 95 noms sont identifiés. Un à un, on soumet les suspects au contrôle ADN et on raye leurs noms dès que le test est négatif. Dans cette liste, un nom se distingue, celui d'un Espagnol de 47 ans. Il s'appelle Francisco Arce Montes. Il a été arrêté en 1994 en Indre-et-Loire, deux ans avant le meurtre de Caroline, alors qu'il tentait de s'introduire dans le dortoir d'un centre de vacances. On se tourne vers l'Espagne, où on a perdu sa trace alors qu'il avait été arrêté pour attentat à la pudeur. Pas plus de signes à Londres, où il aurait vécu, ni en Allemagne, où il est recherché pour des faits d'exhibitionnisme dans les années 80. Un exemple typique de la crainte du juge Van Ruynbeck que l'homme recherché ait pu passer les frontières. Un à un, méthodiquement, les enquêteurs éliminent des noms de leur liste. De son côté, chaque année, au mois de juillet, le père de Caroline Dickinson vient en France pour rappeler que l'enquête est toujours en cours, pour ne pas oublier et continuer le travail. Comme en ce 16 juillet 1997. Cette abominable histoire va nous hanter jusqu'à la fin de nos jours, ça c'est sûr. Mais savoir que la personne responsable du viol et du meurtre de Caroline soit arrêtée et mise en prison, et surtout qu'elle ne puisse plus attaquer d'autres enfants, ça pour nous c'est vital. Sans cela, nous on se sentira jamais tranquille. Êtes-vous satisfait de la manière dont l'enquête est conduite par les juges et la gendarmerie en France? Il y a une grande différence entre notre police, notre système judiciaire et le système français. Après trois ans d'enquête, je commence maintenant à saisir ces différences et comprendre comment vous fonctionnez en France. Mais j'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance en M. Van Ruynbeck, qui est aussi déterminé à ce que justice soit faite. Malheureusement, le temps s'écoule et aucun élément nouveau n'est recensé. Au total, les gendarmes ont réalisé plus de 7500 interrogatoires et 3500 tests ADN. Petit à petit, les effectifs de la cellule Dickinson diminuent. En juillet 2000, le juge Van Ruynbeck doit être remplacé. Francis Debon est nommé pour lui succéder. Dans une interview au journal Le Parisien, on lui demande ce qui pourrait, après 4 ans d'enquête, mener à une interpellation. Et le juge répond « Nous devons être patients et attendre, peut-être, le coup de pouce du destin. » Il ne croit pas si bien dire. Car 5 ans après la mort de Caroline, le 10 avril 2001, Cette information sort dans la presse. 5 ans après l'assassinat de Caroline Dickinson en Bretagne, l'enquête est relancée après l'arrestation aux États-Unis d'un suspect recherché par la police française. L'information a été révélée ce matin par la BBC à Londres. L'homme, un Espagnol de 56 ans, est en prison à Miami. Il vient de subir des tests ADN qui permettront de savoir s'il a un lien avec ce qui demeure l'un des plus grands mystères criminels de ces 10 dernières années. Oui, c'est un incroyable concours de circonstances qui permet de retrouver ce suspect. Une journaliste française d'un hebdomadaire britannique, The Sunday Times, réalise fin mars 2001 une interview avec le juge de Bon sur l'affaire Caroline Dickinson. Au cours de cet entretien, lui demande s'il n'y a pas un suspect qui retient plus son attention qu'un autre. À ce moment-là, sur la fameuse liste des enquêteurs, il reste 48 noms. Parmi eux, il y en a de prioritaires. Le juge cite l'un d'entre eux, celui de Francisco Arce Montes. Dans son article, la journaliste écrit le nom de l'Espagnol. Et le 1er avril, le numéro du Sunday Times est publié. 2 jours plus tard, à des milliers de kilomètres de là, aux États-Unis, Tommy Onclo, un agent américain des services de l'immigration, se rend à l'aéroport de Détroit, où il travaille. Il s'arrête devant le comptoir de la British Airways et tombe sur un exemplaire du Sunday Times laissé là par un touriste anglais. Il lit l'article sur Caroline Dickinson, voit le nom de Francisco Arce Montes et lance une recherche sur son ordinateur. Bingo ! L'homme est dans une prison américaine à Miami, en Floride. Il a été arrêté dans un motel pour attentat à la pudeur sur des jeunes filles. Une demande de comparaison ADN est immédiatement envoyée par les autorités françaises et le 15 avril 2001, Yves Boivin, l'avocat général en charge du dossier, annonce les résultats. L'analyse qui vient d'être pratiquée révèle qu'il existe des similitudes très importantes avec l'empreinte relevée à Plaine-Fougère. Il apparaît donc qu'il existe des charges suffisantes pour autoriser une demande de venue sur le sol français de cette personne par le magistrat en charge de l'instruction. Je crois devoir ici rappeler solennellement que toute personne suspectée demeure innocente et qu'une déclaration de culpabilité ne peut résulter que d'un tribunal indépendant et impartial. Le 19 avril 2001, Francisco Arce Montes est extradé vers la France. Jean-Pierre Gimonet, le 4e juge d'instruction en charge du dossier, le met en examen pour meurtre et viol commis sur mineur de moins de 15 ans. Son procès s'ouvre 3 ans plus tard. Le 7 juin 2004, c'est l'effervescence au Parlement de Bretagne. Un chapiteau de 150 places est installé à l'extérieur de la salle d'audience pour accueillir le public. Plus de 60 journalistes français et anglais font déplacement. Francisco Arce Montes entre dans le box des accusés. Le public découvre un homme svelte, la cinquantaine bien portée, de fines lunettes sur le nez. Il a l'air hagard, perdu. Depuis son arrestation, il a fait évoluer sa défense. Il a d'abord nié sa culpabilité. Et puis, au fil du temps, il a reconnu sa présence à l'auberge. Devant le juge d'instruction, il avouera un jour « Cette nuit-là, je dérapais ». Il essaye ensuite de jouer la carte de l'irresponsabilité. Experts et psychiatres se succèdent, mais réfutent tous et toute cette démence ou cette folie présumée. Francisco Arce Montes est bien responsable de ses actes. Il finit par reconnaître le viol et aussi l'agression dans l'autre auberge cette nuit-là, mais il nie avoir voulu tuer Caroline. Pour lui, elle respirait encore quand il est parti. Pendant les 6 jours du procès, il ne dira presque rien, répondant toujours en espagnol alors qu'il maîtrise le français, répétant sans cesse « je n'ai rien à dire ». Une fois seulement, il craque. Au moment où l'on évoque sa mère, il dira « Je m'excuse pour ses larmes, je sais que la famille de Caroline ne me pardonnera jamais ». Comme le veut la tradition, il aura la parole en dernier et dira simplement « J'ai honte ». Le verdict tombe le lundi 14 juin. Francisco Arce Montes est reconnu coupable du meurtre et du viol de Caroline Dickinson. Il est condamné à 30 ans de réclusion assorti d'une période de sûreté de 20 ans. Sur les marches du tribunal, à l'issue du procès, le père de Caroline Dickinson prend la parole au terme de 8 ans d'un long combat. Ma première pensée ce soir est bien sûr pour Caroline. Sa vie a été courte, mais elle était une jeune fille heureuse et merveilleuse. Nous ne l'oublierons jamais. Le procès a été épuisant, mais à partir d'aujourd'hui, nous pouvons commencer à reconstruire notre vie. Nous voulons aussi remercier les gendarmes qui ont mené l'enquête, le juge d'instruction, Renaud Van Ruinbeck, ainsi que notre avocat pour tout ce qu'ils ont fait. Le Francisco Arce Montes fera appel de sa condamnation. Le procès se tiendra un an après. La peine sera confirmée. Ce procès aura été aussi l'occasion de retracer le parcours de cet homme, celui d'une errance criminelle à travers l'Europe pendant plus de 20 ans, passant à chaque fois ou presque entre les mailles du filet. Ce parcours révèle la nécessaire coopération entre les États et les justices européennes à l'heure de l'espace Schengen. Au cœur de cette enquête historique de plus de 8 ans, le rôle de l'ADN tient une place toute particulière. Ce progrès scientifique a bouleversé pour toujours l'investigation criminelle. Mais au-delà de ces progrès, l'affaire Dickinson nous rappelle avec force que ces faits n'ont de divers que le nom, car derrière chaque drame se cachent des familles, des villages, une population pour qui le souvenir de ces événements tragiques reste à jamais gravé. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Caroline Dickinson avec notre invité, le juge Van Ruynbeck. Bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'être avec nous, car je sais que vous ne courez pas les médias. Quand les médias vous sollicitent, vous dites pas toujours oui. Voilà. Là, vous êtes venu. Donc, pour nous reparler de cette affaire, dont vous avez été côté justice l'un des protagonistes, l'un des quatre juges, qui a instruit cette affaire. Déjà, quel souvenir vous en gardez? Bon, là, vous avez entendu le récit, mais vous le connaissez forcément. Mais quelle trace ça a laissé dans votre parcours professionnel? Oui, je réécoutais votre reportage, les interviews de l'époque, et il y a une certaine émotion. Voilà, c'est pour moi, c'est toujours c'est émouvant parce que c'est vrai que je traite beaucoup d'autres dossiers dans d'autres domaines où il y a un engagement de travail qui est important. Mais là, vous voyez, quand j'ai écouté le père au téléphone après le verdict, on essaye de toujours rester professionnelle, hein, parce qu'il y a une rationalité dans ces enquêtes qu'il faut absolument développer et toujours garder une distance. Mais voyez, c'est émouvant. Voilà, ça me, c'est quand même, ça a représenté pour moi 3 ans de vie professionnelle où j'ai pas fait que ça d'ailleurs à cette époque-là, mais 3 ans pendant lesquels je me levais le matin en me disant bon, tu l'as pas trouvé, tu as des moyens. C'est pas possible, voilà. Alors qu'on avait cette trace ADN et, enfin, l'angoisse c'était toujours de se dire, bon, j'ai tendu un filet, j'ai eu des enquêteurs qui ont fait un travail remarquable, mais est-ce qu'il est dans le filet ? Oui. Voilà. On en avait 3000 dans le filet. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans ces 3000, il y en avait 95 qui étaient des gens qui avaient tourné sur d'autres auberges. Et dans ces 95, il y en a un qu'on n'avait pas retrouvé, c'était Arce Montes. Mais on avait tellement eu d'échecs avant, parce qu'on a cru plusieurs fois qu'on avait le bon, parce qu'on a eu des profils où les personnes, oui, ça ressemblait au portrait robot, ils avaient commis des affaires sexuelles, où ils étaient connus dans les auberges, donc on avait plusieurs critères. Mais à chaque fois, ça a été une déception, lorsque le labo qui fait l'ADN vous dit « non, c'est pas lui », alors que... On se disait, bah ça y est, là, on a des critères, c'est bon. Et on y croyait sans y croire, vous voyez. Donc, Arce Montes, moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est quand même assez extraordinaire, la mémoire qu'on a ou qu'on n'a pas. En général, moi, j'ai pas de mémoire. Mais je ne sais pas pourquoi, je me souviens très bien du jour où, à peu près 3 mois après le moment où j'ai été saisi de l'affaire, c'est-à-dire j'étais saisi au mois d'août, j'avais au mois de septembre, donc prescrit, réalisé ce que la cour avait ordonné, c'est-à-dire les tests de toute la population masculine de Fougères. Bon, on y arrivera, voilà. Bien sûr, on y arrivera. Oui. Mais, entre-temps, j'avais étudié de très près l'autre affaire de Saint-Lunaire. Parce que là, on basculait dans autre chose. C'est-à-dire que l'hypothèse de départ, c'est quelqu'un qui tourne à pleine fougère. Donc, on savait que 80% des auteurs d'agressions sexuelles le font à proximité du lieu où ils résident. Donc, c'était une hypothèse très forte. Et puis, entre-temps, en étudiant l'autre procédure, ces autres jeunes anglaises qui ont décrit une scène ou dont beaucoup nous disaient, bah oui, bah attendez, elles ont lu la première affaire dans la presse, donc c'est des fantasmes, etc. Donc j'avais pris le soin, le temps d'étudier à fond tous ces témoignages qui étaient effectivement en langue anglaise, donc ça m'a obligé aussi à travailler un peu l'anglais parce que tout n'était pas traduit, loin de là. Et je m'aperçois que la scène qu'elles décrivent est exactement la même scène que celle qu'il y a à Pleine Fougère. Donc j'en déduis que c'est le même. Donc si c'est le même, c'est qu'on n'est plus sur quelqu'un de Pleine Fougère, on est sur quelqu'un qui tourne sur les auberges de jeunesse. Donc à partir de ce constat, j'ai demandé aux enquêteurs, dans toute la France, ils ont fait un travail énorme, la gendarmerie, d'aller rechercher toutes les procédures qui avaient pu mettre en cause des personnes identifiées dans les auberges de jeunesse, dans les colonies de vacances, en disant c'est peut-être un rôdeur qui tourne autour, qui connaît bien, ce qui explique d'ailleurs qu'il est très à l'aise la nuit des faits. Bon. Et 3 mois plus tard, donc je suis saisi au mois d'août, je les vois au début septembre, mois de novembre, je reçois toutes ces procédures et je passe du temps à étudier toutes ces procédures. Et donc je ressors là 95 noms, et là je dis aux enquêteurs, ces 95-là, vous me les testez tous. On avait d'autres hypothèses, on avait les agresseurs sexuels de la région, etc. Bon, on a ces 95. Et figurez-vous que sur ces 95, je me souviens aujourd'hui, comme si c'était hier, d'Arce Montes. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé, c'est que il avait été repéré 2 ans avant, tournant autour d'une auberge, du côté de Tours. C'était quand même assez loin. La photo correspondait pas du tout parce qu'il était bien habillé. Je me souviens, vous voyez, détail, je me souviens qu'il avait une Mazda, une petite voiture blanche, alors que nous, on nous parlait d'une camionnette, Frenchie camionnette, vous voyez, genre vieille camionnette locale telle que pouvaient la décrire les Anglais. Hein. Bon, donc, ça collait pas. En même temps, le fait qu'il s'était intéressé à des petites Irlandaises, il avait tourné autour, paf, ça m'avait interpellé. Et la première chose que j'ai fait à ce moment-là, comme je l'ai fait pour les autres, les 95, c'est dire aux enquêteurs, vérifiez s'il est passé dans la région, si on le connaît dans la région. Alors, ils avaient beaucoup de renseignements localement sur les gens qui avaient pris de l'essence, qui ceci, qui cela. Et est-ce qu'il avait résidé dans la région? Et là, la réponse est négative. Et là, je me dis, bon, te fais pas d'illusions, ne fantasme pas, c'est pas normal qu'on le voit pas, ça doit pas être lui, mais vous voyez, malgré tout, il m'a frappé. Et d'ailleurs, les enquêteurs me l'ont rappelé après, c'est que plusieurs fois, je les ai relancés en disant, mais qu'est-ce qui devient ce Arce Montes? Parce que on savait qu'il était espagnol, alors c'était la pire des hypothèses pour moi au départ. J'aurais préféré, en termes d'enquête, ça aurait été plus simple si ça avait été un local. Bon, ça aurait pu être un Français qui tournait autour, mais alors, l'international, alors là, c'était le pire que tout. Est-ce que c'est un vrai problème de coordination, d'enquête entre les pays? Oui, c'était la grosse difficulté. Mais oui, parce que quand on questionne Interpol, l'Espagne, ça revient... inconnu au bataillon, ou si on le connaît pour si, pour ça, on savait qu'il a des affaires de mœurs, mais ils nous disent pas qu'il vient d'être arrêté pour viol là-bas, en Espagne. Et pourquoi ils le disent pas, à votre avis? C'est pas pour vous mettre les bâtons dans les roues, c'est pourquoi? Bah, parce que ça marche pas. Parce que je pense qu'Interpol collecte des renseignements que les polices nationales veulent bien leur donner, mais si ces renseignements sont lacunaires, si tout n'y est pas, je ne sais pas, moi, il faut leur... Je tomberai de l'armoire plus tard, quatre ans plus tard, quand j'apprendrai qu'il l'avait dans leur... qu'il avait été interpellé, même en prison, par la police espagnole à l'époque. Donc c'est un manque de compétences professionnelles. C'est tout le problème de la coopération internationale et de ses lacunes. Aujourd'hui, les juges, ils travaillent dans un espace national. Dès qu'il faut aller à l'extérieur, et on le voit aussi dans le domaine financier, là, ça devient le parcours du combattant. Alors que, voilà, on n'est pas armé et il y a des... C'est un dysfonctionnement, en tout cas, là, c'est clair. Et il n'y a pas eu de progrès. Il y a eu des progrès depuis, parce qu'on a quand même progressé dans ce domaine-là, mais ça montre bien les limites quand même de l'exercice. Là, l'affaire, on aurait pu la solutionner. En plus, on se demandait même s'ils n'avaient pas prélevé son... Après coup, s'ils n'avaient pas prélevé son ADN, parce que s'il avait été en prison à ce moment-là, on aurait pu voir l'ADN, l'affaire, elle était réglée. Or nous, ça revient, mais bien après, il faut relancer deux, trois fois sur deux ans pour qu'on nous dise, qu'on ne nous dise pas qu'il avait été pris pour viol à ce moment-là. Est-ce que le temps est un adversaire dans une instruction? Oui, parce que la mémoire des personnes, elle s'affaiblit. La mobilisation n'est plus la même, y compris, vous l'avez dit, le rôle dans les médias. Et il a fallu ce coup de chance. Il faut toujours un... Vous voyez, c'est comme un... Je prends une comparaison, mais comme une équipe de foot qui est bien organisée, il tire au but, il marque pas. Il tire sur la barre, ça passe à frôle, parce qu'il passe, et puis à un coup, ça rentre. Il faut de la réussite, voilà. Et cette espèce de... Ce coup de génie qu'a eu mon successeur de lâcher le nom d'Arce Montes dans la presse anglaise... Un policier américain à l'autre bout du monde tombe sur le journal, il dit « Mais Arce Montes, je le connais », et tac, et c'est lui. Pourquoi avez-vous quitté l'enquête d'ailleurs? Mais parce que j'ai été appelé à rejoindre le pôle financier. Tout simplement, d'accord. En 2000, et notamment participer à l'instruction de l'affaire Elf. Bon, alors, une autre affaire, effectivement. Et cette décision, alors on se souvient aussi beaucoup de vous, donc, pour cette décision de faire passer tout le monde au test ADN, les habitants masculins de Plaine-Fougère, ça a créé une petite polémique. On va écouter une archive ensemble, et vous répondrez, bien sûr, avec Olivier Pascal, notamment chercheur au laboratoire de biologie moléculaire du CHU de Nantes, qui a travaillé sur de nombreux dossiers, notamment celui de Guy Georges, où l'ADN aussi a joué un rôle. On va l'écouter. Il explique pourquoi il n'était pas partisan de ces contrôles systématiques. La méthode génétique a été utilisée dans l'affaire Dickinson sans résultat, mais non sans poser des questions, parce que passer toute une population au crible, c'est aussi soupçonner tout le monde. On est loin de la présomption d'innocence là, dans ce cas-là. Je crois qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que l'empreinte génétique n'est qu'un des éléments de l'enquête. Pour moi, de la bonne police, ce sont les enquêteurs qui font l'enquête, qui nous présentent des suspects, et c'est à nous ensuite de déterminer si effectivement la personne peut être impliquée ou pas. Et je suis dans ce sens assez opposé à ce qu'a fait M. Van Ruynbeek, à savoir passer toute une population, d'autant que lorsqu'on a analysé tout le village, on peut se poser la question d'ensuite analyser tout le canton, tout le département, et on passe ainsi toute la France et toute l'Europe. Bon, alors, effectivement, la polémique était autour des libertés. On ne va pas tous nous tester. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Qu'aurait dit le docteur Pascal si on avait eu un résultat? Bien sûr. Et oui. À l'époque, quand cette mesure est ordonnée par la Cour, on n'a aucun élément en dehors de l'ADN. L'enquête, vous l'avez dit vous-même, vous avez vu ce fiasco avec Padé. L'enquête, elle est au point mort, il n'y a absolument aucun élément. Et ça nous a été demandé par la famille Dickinson, ça a été ordonné par la Cour, donc on l'a exécuté. C'était aussi un moyen d'écarter une hypothèse, vous savez, vous l'avez dit, c'est un moyen aussi de se disculper quelque part. Bien car sûr. Après ces tests, où d'ailleurs personne n'a été obligé de venir, j'ai écrit à toutes les personnes. Volontariat, vous l'aviez dit. Oui, mmh. Un, volontariat. Deux, à la mairie, pas à la gendarmerie. Mmh. Et figurez-vous que, on a eu, sur 400 personnes, on a eu 4 défections. Donc, sur les 4, on a fait des vérifications, donc on a pu éliminer l'hypothèse du local. Mais c'était l'hypothèse la plus forte au départ. Alors évidemment, on aurait pu ne rien faire, reprendre tout à zéro, et bon, effectivement, on peut légitimement se poser la question. Après, on a retravaillé l'enquête, on a retrouvé ces témoins qui ont parlé, l'accompagnateur qui a craqué un jour et qui a dit « oui, je l'ai vu », etc. Qui dessinait d'ailleurs très bien, donc il a pu nous faire un portrait robot. On a retrouvé une histoire, on a retravaillé sur Saint-Lunaire, on a retravaillé sur le coton, on a travaillé sur tous ces éléments. Et là, on a pu bâtir une enquête qui, là, nous permettait d'émettre... Encore une fois, ça ne nous donnait pas le nom. Mmh. Parce que je vous signale qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas de fichier. Alors justement, oui, c'est devenu... Les prélèvements ADN sont devenus efficients et effectifs avec le fichier national des empreintes génétiques. Oui. Enfin, il faut les deux pour que ça fonctionne bien. Il n'y avait pas bien. De fichier. Et il n'y avait pas de fichier. Si on avait eu un fichier, peut-être qu'on n'aurait pas fait ce test sur la population de Plaine Fougère. Mmh. Et quelle était l'ambiance pendant, l'atmosphère plutôt que l'ambiance pendant ces prélèvements, que disaient les gens, vous vous souvenez de ça? Oui, ils étaient un peu apeurés, un peu intimidés, mais il y avait un mouvement civique, vous voyez, c'est-à-dire que, bon, aujourd'hui on parle moins des agresseurs sexuels, il y a d'autres sujets qui suscitent aussi un mouvement civique, mais c'est un mouvement de même nature, c'est-à-dire que, face à des prédateurs comme ceux-là, on fait bloc, après tout, on vous prend un peu de salive quelque part, on l'envoie dans un labo, et je leur avais dit, tout sera détruit. Bon, quel était le risque que prenaient les gens? Il n'y avait pas de prise de sang, il n'y avait aucune agression physique, donc, et sur la base du volontariat total, et les gens sont venus. Ils ne seraient pas venus, c'était un échec, et c'était une porte qu'on n'aurait pas fermée. On a pu la fermer et se concentrer sur d'autres hypothèses. Et les 4 personnes qui ne sont pas venues, qu'est-ce que vous avez pensé immédiatement? Vous vous êtes dit, oh là là, ils ont des choses à se reprocher. Bon, vous avez vérifié, évidemment. Non, parce que... quel est le réflexe? Le réflexe, on va les contrôler. Parce qu'il en reste 4, sinon le reste n'a pas de sens. Bien sûr. Donc on va vérifier, etc. Bon, on peut aussi comprendre qu'il y a des personnes qui, pour des questions de principe, ne veuillent pas s'y soumettre. On aurait eu 200 personnes, ça aurait été un travail impossible à faire. 4 personnes, c'était assez simple finalement, et en l'espace de 15 jours, les enquêteurs ont fait des vérifications sur eux pour voir s'ils se trouvaient là ce jour-là, etc. Et les réponses ont été négatives pour les 4. Donc on a fermé cette porte définitivement, et ça a levé toute suspicion sur le village de Plaine Fougère, qui jusque-là vivait dans un climat qui était un peu particulier. Oui, on imagine. On peut dire qu'il y a une justice avant l'ADN et après l'ADN, qu'il y a eu un changement de paradigme de la justice à partir du moment où on s'est servi de la trace génétique. Oui, complètement. Complètement. Il était temps d'ailleurs qu'on sorte de la religion des aveux pour basculer dans la police scientifique. Et vous-même, aujourd'hui, quand vous avez un fait divers, ou même regardez sur des attentats terroristes, on ne dit pas « la personne a avoué ». L'ADN nous dit que. Ouais. Donc, il y a un changement complet de paradigme. Maintenant, c'est, alors si vous avez votre ADN sur place, il va falloir l'expliquer. Ça n'empêche pas l'enquête traditionnelle. D'ailleurs, on a mené les deux. On avait une rationalité au niveau de ce profiling un petit peu des gens qu'on allait tester. Et en même temps, une étude de la scène de crime, des auditions de témoins, du travail de fond qui doit rester celui des enquêteurs. Et c'est la conjonction des deux qui doit amener à une démonstration. Est-ce qu'il y a une pression médiatique, et si oui, de quelle nature elle a été, comment vous l'avez ressentie, et comment finalement un juge arrive à gérer cette pression-là? Elle est forte sur un juge, toujours. Oui, mais vous savez, la pression médiatique, je suis tombé dedans tout petit avec l'affaire Boulin, donc là, ça m'a secoué, effectivement. Mais après, ça m'a vacciné, ce qui fait que, bon, dans toutes les affaires que j'ai pu traiter, j'ai une certaine distance. La vraie pression que j'avais, c'était, est-ce qu'on va le trouver? Le pire, ça aurait été que ce soit quelqu'un qui habite pas loin et qui récidive, vous imaginez, avec les moyens qu'on avait. Et ça, c'est une vraie pression, c'est une angoisse. La pression médiatique, non, elle m'a pas... J'ai toujours mis de la distance après avoir subi les médias étant tout petit. La présence du père de Caroline, elle est... comment vous l'avez ressentie, vous, comme un soutien, comme une aide ou comme une pression? Pas comme une pression. Je me suis rendu compte dans cette affaire qu'il fallait toujours informer, tenir au courant les victimes. C'est très important, parce qu'elles doivent faire leur deuil, elles vivent quelque chose qui est terrible. Bien sûr, le juge doit garder une distance vis-à-vis de la victime, mais il a été très... Il fallait qu'il fasse son deuil, d'ailleurs vous voyez qu'il l'a fait, j'entendais tout à l'heure, lorsqu'il y a eu le verdict, c'était important pour lui. Mais vous voyez, même si on n'y était pas arrivé, à partir du moment où on a pris le temps de lui expliquer ce qu'on faisait, qu'on a mis des moyens, il en prenait son parti, quelque part, en se disant « bah la justice, elle est humaine, mais au moins, j'ai le sentiment que la justice a tout fait pour qu'on retrouve cet auteur. » Maintenant, on n'est pas tenu à une obligation de résultat, heureusement, parce que on a tous un taux d'échec, malheureusement. Mais humainement, on a fait ce qu'il fallait, et il fallait le lui expliquer. Et il a été, également, ça a été très important, les relais qu'il a assurés dans les médias. Oui. Parce que lui peut s'exprimer. Je me souviens, à un moment donné, il a dit, il y a peut-être une ou deux personnes qui connaissent Arce Montes, il suffit que cette personne se manifeste, et on va trouver l'auteur. Il n'avait pas tort, il vivait pas tout seul, Arce Montes. Bon, donc si un proche, mais c'est toujours difficile pour un parent, pour une femme, pour un père ou une mère, d'aller dénoncer. Bien sûr. Voilà, mais ça aurait pu être un voisin, ça aurait pu... Alors évidemment, là, on rentre dans la délation, etc. Mais les Anglais, ça les gêne pas du tout. Vous savez, ils font même des émissions où ils font venir les victimes, ils diffusent les portraits robots, ils font un appel à témoins, etc. C'est dans leur culture. Alors justement, il y a eu un choc culturel entre les justices françaises et anglaises, notamment autour de la notion de présomption d'innocence, qui chez nous est devenue un pilier du fonctionnement judiciaire, hein, depuis la réforme sous le gouvernement Jospin. En Angleterre, les choses sont différentes. Comment ça fonctionne de ce que vous avez pu en voir? Bah, non, personnellement, je pense que les personnes sont toujours présumées innocentes tant qu'elles n'ont pas été condamnées. Je pense que c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose en France. Évidemment, c'est aux médias aussi, lorsqu'ils présentent une personne qui est mise en examen, il ne faut pas la présenter comme coupable. D'ailleurs, je crois que la presse a quand même beaucoup, beaucoup évolué à ce niveau-là. Il ne faut pas que les gens croient que parce qu'une personne est mise en examen, elle est coupable. D'ailleurs, les gens se défendent en général, donc c'est une notion fondamentale, la présomption d'innocence, bien sûr. D'ailleurs, tous les journalistes, maintenant, disent toujours ou le suspect, ou l'assassin présumé. Il y a effectivement, je pense, un vrai respect. Hein, Oui, bien sûr, mais on a connu des époques, il y a 30 ou 40 ans, où le ministre de l'Intérieur venait s'exprimer en disant on a trouvé le coupable. Bon. Ou alors, il faut le condamner à une lourde peine. Oui, voilà, par exemple. C'est bien ça. Voilà. Dernière chose, avant une mec, vous n'avez plus affaire, évidemment, à la même clientèle, si j'ose dire, entre guillemets, au même justiciable, hein, la notion de la nature des justiciables que vous rencontrez aujourd'hui au pôle financier, c'est pas du tout les mêmes que ceux que vous avez pu rencontrer dans des affaires comme celle-là. L'affaire comme Caroline Dickinson, j'ai cru comprendre dans vos propos qu'il y a une dimension humaine qui est très forte. Oui. Mais cette dimension humaine, on la connaît aussi dans les affaires financières, parce qu'on entend les gens, mais elle est plus forte, évidemment, quand vous réentendez cette histoire de la jeune fille qui a été tuée, etc. Bon, c'est des drames épouvantables. Bon, il y a cette dimension humaine, oui, je l'avoue que elle existe. Et puis ça m'émeut toujours de revenir sur cette affaire, voilà. Merci en tout cas de l'avoir fait pour cette émission Affaires Sensibles. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Je vous remercie.